Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On parlait de hockey scolaire avec notre ami Simon Gaudreau. Les Aigles de Robertval, encore une belle victoire en fin de semaine. Salut Simon. Salut Danny. Belle victoire encore au cours du week-end. C'est pas mal le fun de voir. Vous avez gagné à l'Apocatia ce coup-là. Oui, notre dernier tournoi, c'est un tournoi qui était prévu là, au mois de janvier dernier, puis on le sait qu'il y a eu une pause là, des activités. Ouais. Puis le tournoi a été déplacé là, après les championnats provinciaux. C'est ça, tout le monde attendait de voir un peu quand on allait placer les championnats de ligue, puis les tournois se sont comme greffés autour des championnats. C'était un peu le même principe qu'Alma. L'Alma était prévu un peu plus tôt dans la saison. Okay. Puis là, ben là, c'est en fin de semaine que notre équipe M18 là, va jouer là, au tournoi d'Alma, ce qui va clore notre saison. Donc, comment ça a été? Donc, vous avez gagné. Est-ce que l'opposition était forte? Est-ce que ça a été quand même assez difficile, ce coup-là? Ah oui, ça n'a pas été facile. T'sais. En plus, on venait de sortir d'une fin de semaine quand même très, très difficile. On avait joué 7 matchs en 5 soirs, 5 jours. Fait que ça a quand même été très éprouvant. Il y avait beaucoup d'influenza aussi. On a eu beaucoup de malades. On a eu des blessés. On est revenu tard dimanche soir là, des championnats provinciaux. On leur a donné congé de pratique mardi. On est reparti le jeudi pour la Pocatière en pratiquant seulement une fois. T'sais, les émotions avaient tellement été fortes la fin de semaine d'avant, t'sais, que c'est quand même dur de recrinquer tout le monde pour partir sur un tournoi comme ça. Puis écoute, on a rejoué contre Mirabel d'entrée de jeu, qu'on avait perdu au championnat provincial le premier match. On a reperdu encore par la marque de 5-2. C'était 2-2 après en milieu de match. On a perdu 5-2. On a affronté les Corsaires de Pointe-Lévis au match 2, une équipe qu'on avait battue toute l'année, on a annulé par la manque de 2-2. Fallait se battre pour notre vie là, le troisième match contre les Poumons du Bas-Saint-Laurent. On les a battus 2-0 dans un filet désert. Okay. Un match très serré. On a fini troisième position. On a affronté la deuxième position de l'autre poule qui était Cap Jeunesse. On les avait affrontés eux au défi. Ça avait fini 3-2 pour nous dans un filet désert. Donc on s'attendait vraiment à un match serré. Nos unités spéciales ont été très bonnes. Là. On les a vaincues là, par la marque de 5-2. Ce qui nous a amené en demi-finale pour affronter Mirabel, qu'on venait de perdre deux fois en deux semaines. On a joué un match en bavure là, le dimanche matin. Là. On a gagné par la marque de 4-0. Puis en finale, on a réaffronté Lévis, qui avait battu les Chevaliers de la Seigneurie, qu'on avait affronté, nous, qu'on avait battu en demi-finale de Ligue là, un peu plus tôt. Dans nos séries. On a gagné. C'était 4-0 après deux périodes. Puis on a gagné par la marque de 5-2. Donc ça n'a pas été facile. Là. Je vous disais même que je peux voir ça. Ça n'a vraiment pas été. Ça n'a pas été de tout repos. Là. Non, ça n'a pas été de tout repos. Puis, comme je l'ai mentionné dans mes autres entrevues, cette équipe-là est spéciale. T'sais. Quand on arrivait dans un match éliminatoire, un match qui avait un enjeu, un match pour eux qui signifiait d'important, il était imbattable. T'sais. Ils prenaient leur préparation très sérieuse, ils avançaient le match vraiment étape par étape. Puis ils n'étaient jamais gagnés d'avance, mais ils faisaient en sorte pour aller chercher les petits pouces à chaque fois pour les amener vers la victoire. Fait que non, c'était vraiment ça a été un beau tournoi, ça a été une année exceptionnelle pour eux. Je suis content qu'ils aient pu vivre ça. Tu t'attends à quoi maintenant pour le M18 maintenant? Le M18, j'ai pas d'attente. Écoute, ça va être un très beau tournoi. Il y a plusieurs équipes là, en M18. C'est plein d'équipes qu'on n'a pas vues. Fait qu'on n'a pas vraiment d'attente. Là, nous, on n'a plus de glace cette semaine. Fait qu'on peut pas vraiment pratiquer, mais on joue dès demain. Fait que ça va quand même assez vite. Saint-Félicien est ouvert. Robertval est formé. Saint-Félicien, je le sais pas, mais nous, à côté de l'école, là, pour les heures scolaires, Ah ouais, On pouvait pas pratiquer avant d'aller au tournoi. Fait qu'ils ont pratiqué vendredi, la dernière pratique, puis là, ils rentrent dans le tournoi là, demain matin. OK. Demain soir, excuse. Ouais. OK. Donc, on va suivre ça de très très près. Simon, on s'en reparle la semaine prochaine pour probablement la dernière chronique. Ouais, ça Notre marche. ami Simon Godreau qui nous parlait des aigles de Robert.